Une tache sur le nez de Hervé Blutch. Épisode 1. Tout allait si bien. Je ne saurais pas dire précisément comment les choses ont commencé. Je me souviens seulement que nous étions heureux, heureux et insouciants, souriant à la vie parce que la vie nous souriait. Je vivais avec le sentiment profond qu'il y avait un certain ordre des choses, que chaque chose avait une place, que le secret de notre allégresse, c'était d'avoir pris soin de bien ranger chaque chose. Tu te rends compte ? Il me propose de quitter la voirie pour passer à l'éducation et à l'enfance. Je reprendrai le poste d'Elisabeth Schuller à la restauration collective. Ce serait une mission entièrement redessinée par Frédéric Lemaire, qui s'appuierait sur un partenariat avec Manger Bouger pour sensibiliser les enfants au principe d'un bon équilibre alimentaire. Avec la mise en place, chapeautée évidemment par la commission des menus, d'outils d'éducation nutritionnelle. Mais c'est génial! En fait, il s'agirait d'amener les enfants à comprendre à la fois ce qu'ils mangent et ce que ça apporte à leur organisme à travers une signalétique simple basée sur des codes couleurs. Tu vois? Bon, par exemple, le vert clair pour les légumes ou les fruits crus avec apport de vitamines et minéraux. Ouais. Le vert foncé pour les légumes ou les fruits cuits avec apport de fibres. Mmh. Et le rouge pour les apports en protéines et fer. Ah. C'est assez simple en fait. Bon, c'est de toute façon à assimiler petit à petit par les enfants avec l'aide de leurs enseignants. Donc, c'est surtout un travail de coordination, d'action et de réflexion. Mmh. Bon, mettre en place des ateliers. S'inscrire dans les actions à échelle nationale avec un rendez-vous pendant la semaine du goût pour lancer l'opération. Et puis, rencontrer des maraîchers, débattre du problème avec des nutritionnistes. Enfin, mais il y a plein de choses à faire. Ouais. Bon, écoute, c'est pas une promotion au sens où ça va rien changer du point de vue de mon salaire. Mais c'est super excitant. Mais c'est déjà vachement avancé, c'est super. Et quand est-ce que tu donnes ta réponse? J'ai déjà répondu, Antoine. J'ai dit oui. J'étais derrière mon bureau. Claude entre dans le CDI, s'installe devant un ordinateur, tape un truc et me dit « Regarde ». Et là, en plein milieu de l'écran, apparaît un gars tout sourire entre Monsieur Propre et Arnold Schwarzenegger. Alors je lui dis « Super Claude, tu te lances dans le culturisme ?» Il me répond « C'est Maud. Elle a une liaison avec ce mec. » Non. Je te jure. Et là, il me raconte qu'en rentrant plus tôt que prévu de son stage sur les techniques de forage de puits avec son assos à fruits machin, il est tombé sur la page internet d'un site de rencontre avec la photo du bodybuilder. Et sur la messagerie, tous les échanges de courriels entre Maud et lui. Tu vois le truc? Mais c'est pas tout, attends. Il se remet à taper quelque chose sur l'ordinateur. Et là, on arrive sur un site de vente d'objets sexy, genre rigolo, mais quand même vachement limite. Et il m'explique que Maud avait aussi visité ce site à l'invitation du bodybuilder. Alors je lui dis, mais vous vous êtes parlé, tu lui as dit quelque chose? Et là, il explose littéralement. Il me dit, je sais pas. Pour le moment, j'ai rien dit parce que je sais pas quoi dire. Mais c'est quand même super dégueulasse. Il était vachement blessé, vachement mal, tu vois. Et puis, comme je dis rien, il me demande pourquoi je dis rien. Si je trouve normal que Maud drague des culturistes sur des sites de rencontres pendant qu'ils s'entraînent à sauver des villages africains, alors évidemment que non, je lui dis. Et à la fois, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Il est jamais à la maison, il est toujours dans ses projets. Ça devait bien arriver un jour. Et puis tout d'un coup, il me dit, allez, j'y vais, j'ai cours. Il me laisse en plan. Et juste à ce moment, il y a un élève qui rentre. Il y avait le sextoy sur l'écran. J'ai juste eu le temps de quitter la page. Je crois pas qu'il l'ait vu, mais c'était pas malin. N'empêche que t'as raison. C'est pas étonnant que Maud aille regarder ailleurs. Il s'est jamais occupé d'elle. Mmh, je suis d'accord. Tu veux encore un peu de salade, Biquet? Ah oui. Elle est très bonne, ta salade, Biquet. Papa, maman? Oui. On est là, mon chéri. Maman, papa... Asseyez-vous. Voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Elle s'appelle Sonia. Elle a mon âge. Elle est douce et gentille, et aimante et jolie, et drôle et sensible, et curieuse, et intelligente, et spirituelle, et indépendante, et délicate, et câline, et romantique, et pétillante, et gracieuse, et espiègle, et profonde, et prévenante, et chaleureuse, et esthète, et fille unique comme moi. Sa mère dirige un salon de beauté et son père est négociant en fruits et légumes. Et je sais, ça risque de vous paraître un peu fou, mais on a décidé de se fiancer. Fou? Mais c'est formidable, au contraire. Te fiancer? Mais c'est une très jolie nouvelle, Corentin. Mais tu es tellement petit encore. Je suis grand, tu veux dire? Tu oublies que j'ai eu mon BTS. Les parents de Sonia vont vous appeler. On veut faire ça dans les formes, les fiançailles se feront chez eux. Je vais chercher une bouteille de champagne. Mmh. Quand je te regarde, Judith, je me dis, c'est quand même formidable. Mais tout est tellement fluide, tout est tellement simple. Et quand je pense à Corentin, je me dis aussi, mais quelle chance on a. Il nous a jamais posé un seul problème. Il a grandi tellement bien, il a enfilé ses études comme des perles, de l'école primaire au BTS. Et maintenant, cette école de commerce et sa rencontre avec Sonia. Je me dis, mais quand même, c'est une réussite, on peut être content. Non? Si. Tu me passes ma crème de nuit? Hein? Tu avais une tache sur le nez. Tiens. C'est quoi ça, t'as vu? Ah ouais, c'est curieux. Bah, on dirait du café. Tu avais humecté un gant de toilette avec de l'eau tiède et frotté ton nez avec ton gant de toilette. On n'a pas bu de café. Hein? On a mangé quoi déjà? La tache n'est pas partie. Dans notre lit, ton corps chaud près du mien, je pense à la journée de demain, à ces gamins que je me démène à orienter et qui sont complètement immatures. Et je pense à Corentin. Putain, merde, 20 ans, il est déjà tellement dans la vie. Bonne nuit. Et puis tout d'un coup... T'as mis le réveil, Biquet? La douche froide. Oui. C'est comme ça. On n'est pas préparé. On est pris par surprise. Peut-être que dans les écoles militaires, on apprend ça. À être confronté, bang, d'un coup, à une situation totalement inédite. Complètement folle. C'est des trucs pour préparer les gars à ne pas devenir dingues. On est dans des conflits de très très haute volée. C'est de la haute voltige. Les gars sont hyper entraînés. Moi pas. Quoi? Judith, là, il faut faire quelque chose. Est-ce que t'as mal? Non. Non. C'est incroyable, c'est complètement dément. C'est comme un voile sur ta peau. Tu... Oui, c'est bizarre. Je crois que je vais pas aller travailler ce matin. Oh, très bien. Moi, j'appelle le docteur Adam. Il y a sûrement une explication. C'était Une tache sur le nez de Hervé Blotch avec Quentin Bayot, Antoine, Agnès Pontier, Judith, Louis Arène, Corentin, Bruitage, Sophie Bissance, Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Arnaud Chapat, Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum, Réalisation, Sophie Aude Picon.